Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de la marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Mais qu'est-ce que Critique de Crowd, te diras-tu, nouvel auditeur? Ben écoute, le concept est dans le nom. Je critique les foules, je les observe, j'essaye de les comprendre, je les apprécie surtout. Et j'avoue que Critique de Crowd, c'est aussi un sens bien, bien large. Je trouve que la crowd, c'est partout. Vivre en société, c'est la crowd. Et cette semaine, oui, on va tomber dans les anecdotes plus personnelles. Ben oui, j'ai une vie en dehors de CISM, mais il y a toujours de la crowd, comme je viens de dire, fait qu'on s'en sort pas. Alors, anecdote de vie et de crowd qui m'a amené à beaucoup de questionnements et je serais curieuse d'avoir ton opinion sur le sujet, cher auditeur de la marge. Sinon, ben oui, en général, je critique la foule de spectacles qui comprend de la musique. Ben oui, c'est toujours plus amusant. Et c'est l'été, j'ai tellement vu de spectacles que je vous ai toujours pas parlé. Je suis allée au Suroni Paris Popolo, je suis retournée au ballet. Oui, oui, encore au ballet. J'ai vu Gilbert et les amis de Tom à l'ESCO et j'ai toujours pas eu le temps de vous en parler. Et cette semaine, j'ai décidé, d'être un peu plus dans le passé que d'habitude, parce que oui, effectivement, les choses sont toujours passées quand je vous en parle, à moins qu'il y ait plusieurs représentations. Mais cette fois-ci, c'était le 17 juin dernier, Safia Nolin jouait au théâtre Maisonneuve. Une belle expérience qui a ranimé en moi des... Je ris déjà parce que c'est toute une anecdote. Ouais, anecdote de vie, encore une fois, mais dans ma tendre enfance, ça comprend moi, des enfants, puis boum, des jardins. Ah, c'était écœurant, je te le dis. Attention, c'est à suivre. Alors, ben oui, Critique de Crowd, c'est beaucoup d'anecdotes, c'est Jolaine qui jase. Et surtout de la bonne musique. Et justement, on va aller écouter Mort Rose. Ils ont sorti leur album la semaine dernière, il y a 2 semaines. Enfin, j'avais été invitée. Ils m'ont dit, viens-t'en, viens Critique de Crowd. Le monde va frencher à notre spectacle. Et je trouvais que c'était vraiment, l'invitation la plus drôle au monde, là. Fait que si tu prétends que les gens frenchent plus dans tes spectacles qu'ailleurs, Il y a quand même raison que Critique aille vérifier. Ce sera à suivre pour Montrose. Mais on va aller écouter L'Inconnu, puisque oui, ce sera bien à propos L'Inconnu sur leur EP, Avoir 20 ans. Dans mon cœur, chalala, chalala, boule au bouche. avoir 20 ans. Peut-être que tu l'as. Je te salue, toi, jeune vingtenaire. Et sinon, vous avez entendu de ce EP, le groupe Mort Rose et leur chanson L'Inconnu. Elle me fait bien rire, leur couverture. Je sais, on a la radio, alors tu n'auras pas les yeux pour voir la pochette. Mais va sur les internets, c'est fort pratique pour le visuel. Mais, oh mon Dieu, c'est parce que c'est une photo de Belle Finissant. Puis la madame, elle ressemble vraiment beaucoup à ma marraine, fait que ça me marque beaucoup. Peut-être que c'est elle. Bonjour, Joanne. Bonjour, Jojo. Et sinon, vous écoutez toujours la critique de Crowd. Toujours bien heureuse. Ben oui, de vous partager mes coups de cœur musicaux et aussi mes anecdotes de vie. Je le mentionne que ça soit aussi personnel parce que, oui, je remettais en question critique de Crowd en tant que telle. Je le justifie à chaque début d'émission. Je suis comme, oui, je critique à quel point. J'observe et surtout, je vis. Ah, oh, je vis. Parce que, oui, j'aime la foule et elle me le rend bien. Et au quotidien, j'irais même jusqu'à dire, pour ceux qui écoutent vraiment, vraiment, vraiment souvent l'émission ou qui ont surtout beaucoup de mémoire, parce que ça date quand même du mois de décembre, ben, dans la crowd, je m'en allais m'acheter des billets pour Casse-Noisette et j'arrête jamais sur la ligne orange Champ de Mars. Et c'est justement, des fois, c'est hasard qui fait qu'on bifurque un peu de notre petit train-train du quotidien, qu'on croise dans la crowd. Cette fois-ci, ce sera un gars qui tient un tabouret et, ben, justement, je trouvais ça drôle. Fait que j'ai demandé pourquoi il tenait un tabouret en plein métro. Et il m'avait dit qu'il avait décidé de tout lâcher du jour au lendemain. Il s'en allait en Amérique du Sud. Il restait là pendant 7 mois. Et justement, on était dans le métro et moi qui parle fort, là, je gueulais. Là, j'étais « Ah, mon Dieu! Je vis avec toi un moment marquant de ta vie. » Et je crois que juste le dire l'a aussi marqué. Marqué dans le sens, ça l'aura gravé de dire que c'était un moment marquant. Des fois, il faut affirmer les choses pour qu'elles existent. En effet. Et quand je dis que je sais que ça fait 7 mois qu'il a vécu en Amérique du Sud et qu'il s'est promené dans plusieurs pays, c'est parce que, oh, activité très peu crowdienne, j'ai fait de la correspondance. C'est tellement une activité belle! C'est tellement beau écrire déjà en partant, mais aussi correspondre parce que notre réflexion est toujours différente, oui, à l'oral, comme présentement à la radio, mais aussi par écrit parce qu'on est obligé de s'asseoir, prendre notre temps et aussi comme l'envoyer. Là, j'avoue que là, c'était courrier électronique, là, parce que vu qu'il se promenait, ça aurait pas été vraiment efficace de mon bord y envoyer par la poste. Mais reste que moi, j'étais très curieuse de son parcours parce que c'était justement un moment marquant, mais particulièrement parce que, ben, ça sortait de nulle part, cette histoire-là. Le gars, je le connais comme zéro, tu sais. Et, justement, il revient à Montréal, il m'écrit « Je reviens à Montréal », puis la qualité des internets fait que je reçois la réponse avant qu'il arrive, puis je dis « Hé! C'est tellement une histoire absurde de le connaître, de correspondre, que je me suis dit « Je vais aller le chercher à l'aéroport ». Bon, la vérité, c'est que moi, j'adore prendre la 747. Crowd, as-tu déjà pris la 747? Ça, c'est l'autobus qui part genre de l'arrêt de bus à Berry-UQAM ou à Lionel-Groulx et qui t'amène jusqu'à l'aéroport. Et je trouve que c'est comme un parcours apaisant. Il y a quelque chose de beau. Déjà, tu pars ou tu reviens de vacances. Ou, ben, ouais, j'espère que ça soit pas pour les affaires, pour le travail, des affaires tristes ou plates. Non! Il y a quelque chose de détendu. En même temps, il y a une petite effervescence de, ouh, les vacances, ou, oh mon Dieu, on va aller découvrir un nouveau monde, d'autres pays. Et, en même temps, ouais, quelque chose de doux dans la 747. Fait que moi, ça faisait bien plaisir de rendre l'agréable à l'agréable. Fait que j'ai dit, ben oui, j'ai dit, je vais venir te chercher. Ici, s'attendait à un livre en char, il devait être déçurant, là, mais mais reste que je décide, oui, bien de bonne heure le matin, de me lever. Oui, parce que je suis pas lève-tôt. Fait que je me lève, je suis motivée, j'attends la 747 qui ne se pointe jamais. J'ai compris par un utilisateur fréquent de la 747 que, ben, des fois, il manquait de conducteurs. Je suis comme, pourquoi ils ont pas mis l'horaire à jour au lieu d'en skipper une de temps en temps, mais ils t'avertissent pas laquelle. Surtout, ce qui était vraiment très purgent, la file allongeait, il y avait des gens, beaucoup de gens qui s'en allaient à Boston. Je sais pas le hasard des choses, mais c'était comme ça. Et là, justement, vu que c'était tous des anglos, ça me permettait de sacrer en québécois dans ma barbe puis d'être comme avoir Dieu, parce que l'autobus était dans notre face. Il était marqué en transit, complètement vide, là, de la non-crowd bien abondante dans cet autobus. Et il était là, puis elle était pour une demi-heure plus tard. Fait que pendant une demi-heure, j'ai juste regardé un autobus qui était pas la bonne et qui s'en venait un jour. On dirait que quand elle a démarré, je croyais un peu à l'illumination. Je me disais, ah, c'est possible. Ah ouais, des anges, là, sont apparus. J'ai trouvé ça, oui, bien, bien choquant. Et on pourra... Non, je ne ferai pas une grande critique de la STM, parce que justement, je viens de vous le dire, je l'aime, la 747. J'aime juste pas quand ils respectent pas leur horaire. Mais ouais, je fulminais beaucoup et je réalisais que j'arrivais extrêmement en retard à moi qui avait dit « Ouais, ouais, je vais aller te chercher à l'aéroport, je suis vraiment à mon affaire, tu vas voir, je suis capable. » J'amène le café. J'ai amené des pots de café. Puis ouais, finalement, tu sais, le timing qui fait en sorte que tu rencontres des inconnus dans la rue, que tu deviens ami avec, mais que après ça, bof, timing pour arriver à l'heure, ça n'existe plus. C'est fascinant, le timing. Je reviendrai sur le sujet, mais avant, étant donné que, oh mon Dieu, j'étais pas contente d'être aussi en retard. Je vais vous mettre fuck tout parce que je filais assez fuck tout, merci. Et sinon, on va écouter Barf avec chialer parce que oh, j'avais aussi beaucoup envie de chialer. Je n'ai jamais gardé chien. Dès qu'on avance, je suis de peur à ça. chialer de Barf sur leur plus récent album Brûle, consume, torture. Chialer, c'est quand même drôle parce que... Ah oui, la dite personne que j'allais chercher à l'aéroport, c'est un Français, puis je trouve ça drôle, chialer, parce que ça veut dire pour eux autres, pleurer, puis au Québec, c'est chialer, c'est se plaindre. Mais en même temps, c'est drôle comment c'était parfaitement le mot de circonstance. J'étais très chialeuse, j'avais vraiment juste le goût de brailler, puis en même temps, juste de me plaindre, puis faire « Ah! » Et sinon, vous avez aussi entendu « Fuck tout » sur leur album. Ben oui, « Fuck tout », et vous avez entendu « Fuck tout », la chanson. Et oui, si je parle de me foutre de tout et de chialer, c'est... C'est ce timing. Ah ouais, timing pourri, là. Gestion du temps atroce. Finalement, on réussit à se communiquer. La 747 aura toujours l'avantage d'avoir du réseau. S'il marche, mais en tout cas. On réussit quand même à se dire que oui, attendre une demi-heure de plus, c'était peut-être pas si grave, sinon je faisais demi-tour. Quand je vous dis le timing, vraiment, vraiment. Et finalement, j'arrive à l'aéroport devant de la non-crowd assez solide. Tu sais, d'habitude, quand il y a un vol qui va bientôt arriver, ben oui, il y a beaucoup de gens, les affiches avec des noms, ceux qui arrivent avec des groupes, des visites guidées ou des échanges culturels ou étudiants. Bref, encore une fois, il y a une effervescence bien particulière qu'ont l'autobus, mais aussi particulièrement l'aéroport. Et là, ça en était complètement mort. Là. J'avais un sentiment de centre d'achat. Tu sais, comme... le centre d'achat, là, t'es dans l'air, l'air alimentaire, mais à un moment de la journée où il y a pas grand monde, ouais, on attend, mais on sait pas trop, on attend pourquoi, on est plus certain, le temps n'existe plus. Il y a comme... Ouais, il y a une ambiance vraiment moins cool tout d'un coup. Et... Oui, devant la non-crowd, ça a surtout été l'efficacité qu'on s'est vu genre à des mètres de distance. J'étais comme « Allô? » Et on a finalement repris cette merveilleuse autobus. Je vais-tu te le dire assez souvent, cher auditeur de la marche? Oui, la 747, j'ai l'air d'une faux pub. 747. Ben, on s'assoit et encore une fois, plein d'autres touristes, visiteurs montréalais qui reviennent au bercail, québécois qui reviennent au bercail. Et... Justement, j'en faisais le constat à voix haute, que c'était fascinant de connaître des gens pour si peu de raisons. Juste parce que, ben ouais, ça doit être, ben oui, entre autres, il y a la personnalité. C'est ma grande gueule qui a fait en sorte comme, je jase et je connais des gens ainsi. Et vous seriez assez surpris, cher auditeur de la marge, ben oui, je collectionne quand même beaucoup de connaissances, qu'on a des anecdotes assez pas possibles pour se connaître. Et en même temps, c'est ça. Je dis, c'est drôle. Nous, on se connaît. Et en même temps, pour la même raison qu'on connaît pas tous les gens qui sont dans l'autobus, c'est quoi la limite pour créer des liens? Ou quelle est la limite à créer des liens? Qu'est-ce qui fait que on passe d'inconnu à connaissance? Déjà, d'inconnu à connaissance, ça peut être très, très relatif, entendons-nous. Là, c'est comme, déjà, entre connaissance pis amis, là, c'est qu'il y a des os, là, obscur. Non, mais reste que tu peux avoir déjà dit bonjour à quelqu'un puis même pas leur connaître la face ni le nom jamais le restant de ta vie. Tu peux faire semblant aussi de pas t'en souvenir. Tu peux... Ouais, il y a tellement de circonstances que ça devient hyper éphémère de dire bonjour à quelqu'un. Et justement ça, j'étais dans l'autobus puis je me disais ce serait complètement forcé, par exemple, si d'un bon élan, là, tu sais, de ma spontanéité, je dis bonjour à tout le monde ou je vise quelqu'un et je dis bonjour, j'ai envie d'apprendre à te connaître. Ça se pourrait très bien que la personne soit pas à l'aise, elle trouve ça... Un tantinet forcé, un tantinet très wack de juste comme ouais, vouloir connaître la personne. C'est quoi qui nous retient de nous connaître et de pas nous connaître? J'avoue que moi, je trouve ça bien fascinant. C'est très simple comme concept aussi. Mais ouais! Et surtout, je me disais, dans le cadre de critique de crowd, la foule! Tu sais, déjà, dans la foule, j'ai regardé les définitions parce que ça faisait longtemps que j'avais pas recherché foule dans le dictionnaire, même si j'en parle à chaque semaine. Et j'ai été étonnamment surprise comment ça parlait de quantité de gens dans un lieu, mais que ça ne précisait pas s'il fallait que les gens se connaissent ou non. Alors, la foule, il y a aucun aspect relationnel. Et c'est complètement l'inverse en spectacle. Oui, là, je réduis encore une fois la crowd au spectacle. Et encore une fois, c'est encore plus compliqué parce que là, je mélange spectateur et foule. Qui peut être, encore une fois, deux choses différentes. Mais, Mais ouais, parce que dans une foule, des fois, là, tu sais, vous faites des critiques de crowd, il y a 20 personnes, déjà petite crowd, mais ça peut être juste du monde qui se connaissent. Une petite scène musicale, dépendamment le genre joué, qui fait en sorte que des fois, tu te sens quasiment comme l'intrus. Même si t'as jasé avec personne, t'as le sentiment que tout le monde se connaît étrangement. Mais oui, mais en même temps, pourquoi? Puis ça reste une foule. Et inversement, en ce moment, c'est le festival de jazz. Bon, si tu connais tout le monde sur la place des festivals, ben t'es vraiment sociable ou t'as vraiment une bonne mémoire. Ça, si tu te rappelles de tout le monde et que tu es déjà allé bruncher avec chacun, des anecdotes de vie, avoir un peu de vécu, parce que oui, c'est quoi connaître quelqu'un? Ça, je pense que on dirait que je veux pas plonger dans la question, mais il y a aussi de ça, tu sais, connaître quelqu'un en surface, justement, en disant juste bonjour dans l'autobus, on pourrait prétendre qu'on se connaît, et ce serait faux! Ce serait des rencontres relativement superficielles, même s'ils sont motivés par la bonne intention de connaître des humains, là, je trouve ça noble, en passant, la critique de crowd, elle aime ça rencontrer les humains, et elle aime ça que les humains se rencontrent, fait que, hein? Mais... Quand je vous dis tout ça, parce que juste avant de venir sur les ondes de la marge, je prenais le métro et il y a quelqu'un qui me reconnaît, puis oh mon Dieu, là, la face, ça me dit vaguement quelque chose. Ben oui, il s'appelait Nicolas, on se connaît parce que à un show de Jonathan Gatt, il portait un gilet des Goules. J'ai dit « Hey! Toi, t'as mon t-shirt, j'ai le même! » Et on a fini par se jaser de musique. Encore une fois, ce serait facile de dire que c'est parce qu'on a des points en commun, qu'on a des passe-temps communs, des intérêts communs, qui fait qu'on se connaît. Rendu là, techniquement, je devrais connaître... on se connaîtrait tous ceux qui ont le même passe-temps, ce qui est faux. Déjà, faut s'être rencontrés. Mais d'avoir la motivation! C'est la volonté de vouloir connaître les autres. Oui, évidemment, l'aspect personnalité, je crois qu'être jasant et ouvert d'esprit et sociable, ça fait quand même la différence, là. Mais j'en venais à la conclusion que c'était tout simplement la volonté. La volonté d'aller vers l'autre ou juste de passer un moment. Il y a peut-être quelque chose d'un peu YOLO, là. tu sais pas, tu jases avec du monde puis ça se peut que t'y revois plus jamais de ta vie. Ça se peut que c'est ton voisin puis tu le savais même pas. À Montréal, c'est assez facile de pas savoir que c'est ton voisin, là, quand même. Mais... ouais, je sais pas si c'est des grands détours que j'ai faits, cher auditeur de la marge, pour tout simplement aboutir sur la volonté. Ben oui, la volonté de garder correspondance, de garder contact avec des gens, parce que c'est si mince! Ça me fascine vraiment beaucoup comme... Le fait que les humains se rassemblent et se re-rassemblent et se re-re-re-rassemblent et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je vous disais en début d'émission, je serais quand même curieuse de connaître votre sujet, votre opinion plutôt sur le sujet parce que, ouais, peut-être qu'il y a plus que la volonté, plus que tous les aspects que je vous ai mentionnés, mais j'aimerais beaucoup développer parce que, oui, ça me tient à cœur. Mais oui, parce que la foule, il y a des relations. Les gens, ils vont entre amis voir un spectacle. Il y en a qui s'en font sur place. Je ne comprends même pas pourquoi c'est pas dans la définition. Ça m'a un petit peu arrêté. J'étais comme, mais voyons donc, j'étais choquée contre le Robert. J'étais, go Bob, le Bob a refait ta définition critique de Crowd de Lordon. Alors, pendant que je fais la morale au Robert, puis je vais peut-être lire la rousse à la place parce que des images, ben on va écouter de la musique comportant le mot humain et ça va être chanté par Violette Pie. Dans un jardin de talent, entre l'hibiscus et les poires cactus. Mais les poires cactus, ça pique comme les abeilles en rage de sexe au beau milieu des allergènes de pollen de pêche. Non, non, non, personne n'aime quand ça déchire la peau des fesses des filles. Même en prose de vierge férile. Non, non, non. Jeux vidéo et elle a mis s'appellera aujourd'hui pour sa meilleure. Des humains de Violette P sur son album Manifeste contre la peur. Vous écoutez toujours plus de Critique de Crowd après les publicités. À tout de suite. Le festival Diapason, présenté par SiriusXM, vous invite du 6 au 9 juillet à venir fêter avec Bernard Adamus, Soons, Fred Fortin, Avec Podcast, The Saddies, Chocolat, Blood and Glass, Émile Bilodeau et bien plus. En nouveauté, prolongez le plaisir avec les fins de soirée présentées par CISM. En spectacle le vendredi et samedi dès 22h30, Les Beauvrouven, Organ Mood, Les Taverneux et Lydia Kepinski. Place limitée. Le Festival Diapason, 6 au 9 juillet dans le quartier Sainte-Rose à Laval. CISM présente la série Urban Africa. Pop métissé et pop percussif, rock exotique, cette série déconstruit les mythes et interpelle les plus branchés. Au programme, ne manquez pas à la Salle Rossa le 15 juillet, les rythmes R&B, hip-hop et rocksteady de Keyson. Le 17 juillet, le groupe punk malgache de Dizzy Brains, qui fait sensation partout où il passe. La série Urban Africa, une présentation de CISM. Découvrez la programmation détaillée sur lesnuitsdafrique.com. LCD Sound System en concert. LCD Sound System à la place Belle de Laval, le samedi 2 décembre. Billets en vente au 1-855-634-4472 sur placebelle.ca ou evenco.ca. Pour plus d'informations, visitez le lcdsoundsystem.com. Le Festival Diapason, présenté par SiriusXM, vous invite du 6 au 9 juillet à venir fêter avec Bernard Adamus, Soons, Fred Fortin, Avec Podcast, The Saddies, Chocolat, Lydia Kipinski, Blood and Glass, Émile Bilodeau et bien plus. 4 jours de musique complètement gratuits dans le quartier Sainte-Rose à Laval. En nouveauté, le village Diapason et sa scène découverte. Des fins de soirée déchaînées, des spectacles surprises avec les croisières Sirius sur la rivière des Mille-Îles et le retour des camions de bouffe de rue. Utilisez les navettes gratuites disponibles à partir du terminus Montmorency. Le Festival Diapason du 6 au 9 juillet dans le quartier Sainte-Rose à Laval. Pour des dimanches dansants, festifs et ensoleillés, c'est à Pique-Nique électronique qu'on se donne rendez-vous cet été. À venir, Chloé, Chus et Sebalos, Lexis, Back to Back, Seb Fauteux, Motor City Drum Ensemble, Roman Flugel, Shanti Céleste et plusieurs autres. Pique-nique électronique à savourer tous les dimanches de l'été jusqu'au 24 septembre. Pour plus d'infos, allez faire un tour au pique-nique-électronique.com.

Chocolat, Chocolat, vous aurez peut-être reconnu Burnout, parce qu'on passe beaucoup leur dernier album, mais tu sais, leur avant-dernier est tout aussi excellent, et vous écoutez toujours Critique de Crowd, qui, oui, si tu es en manque de chocolat, ben tu dois être rassasié, puisqu'ils seront en spectacle ce soir dans le cadre de Atmosphère sur la Plaza, ben oui, Plaza Saint-Hubert, et ils seront aussi en spectacle ce vendredi dans le cadre du festival Diapason, encore du chocolat, et oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd, et oui, encore plein de suggestions comme à chaque semaine, parce que je pense à toi, cher auditeur de la marge. Je te parle de Crowd, pourquoi pas en faire partie. Et ce soir, il y a aussi Artifice Parade, Mélanie Venditti et Mathieu Berbé au Quai des Brumes. Vendredi, comme j'ai dit, ben oui, Chocolat, mais il est aussi en compagnie de Sounds, Peter. Et il y a des shows le soir. Alors, ben déjà que c'était le soir, ben plus tard. Alors, vous pouvez aussi entendre de Organ Mood et Lesbo Vouvren le même soir. Vraiment, très belle programmation le vendredi. Allez-y, si vous faites pas comme moi, parce que, oh mon Dieu, j'étais tiraillée entre les deux événements, mais j'irai voir Tania Tagliac dans le cadre du festival de jazz. Et j'ai bien hâte, mais encore une fois, on dirait que mon cœur, il est comme, je vais être partout! Je vais être à Laval et à Montréal en même temps! C'est rare que ça arrive, mais oui, ça... oui, c'est possible! Sinon, ben tout le monde s'arrache le 8 juillet. Et qu'il y a de l'activité par là, déjà, ai-je besoin de mentionner Anderson .Paak qui est à la grosse scène du festival de jazz. C'est assez attendu. Sinon, écoute, Atomic Café dans Hochelaga, ben oui, c'est un beau quartier, c'est le mien. Il y a Gilbert et les amis de Tom qui vont jouer avec La Cavale et l'Affaire Pélican, si tu as le cœur punk. Si tu as le cœur rigolo, il y a les Costauds, Deux Folles et Des Tout Croches en spectacle au Bistrot de Paris. Sinon, il y a un événement. Oh, je crois que je vais te revenir durant l'été sur le sujet. All I Dream. C'est mystérieux comme titre. Et ça se passe au parc Jean Drapeau pour toutes les places qui ne sont pas en train d'être réaménagées. Et si tu es plus... ben oui, ça marche dans le tas et c'est assez bon. Merci, Hopeless Youth, qui vont jouer avec Fall City Fall et Juno, Sedge... Tout ça en même temps au Turbo House. Dimanche, les bons classiques des plugs cette semaine, c'est Dave Shows. Et pique-nique électronique, ben oui, c'est aussi au Parc Jean-Drapeau. Et je te le mentionne pour que tu puisses le mettre à ton agenda, le 16 juillet, CISM va être dans place! Fait qu'on va amener nos nappes carottées puis nos paniers en osier. Moi, m'avoir mon panier en osier entre 2 puis 6. Fait que check-moi dans ces heures-là, avant ou après. Ben avant, tu peux pas, si t'es pas ouvert, mais après, ben je serais plus là. La vie est courte. Et sinon, dimanche, encore CISM, mais ça, c'est cette semaine. Vente de la collection de vinyle de CISM. Fait que, hein, du beau stock. Alors, viens nous voir dans les studios de CISM. Alors, en même temps, si tu veux une petite visite, tu demanderas permission. Alors, voilà. Allez voir sur le... Je vais vous le poster sur le Facebook de Critique de Crowd pour avoir les heures et, oui, l'adresse plus précisément. Lundi, bruit de criquet, là. Il y a assez d'affaires samedi. Repose-toi. Mardi, il y a Ramon Chicharon dans le cadre du Festival international des Nuits d'Afrique avec Gotha Lago au Balatou. Et je ne suis toujours pas allée au Balatou, alors ça me donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup envie. Sinon, il y a Ziz Kakan. Encore une fois au Balatou, lui, il joue le mercredi. Encore une fois, les Nuits d'Afrique, j'ai l'impression que je vais y aller plusieurs fois cette année. Il y a plein de trucs qui m'intéressent. Pour toute suggestion ou pour revenir sur mes grands questionnements, crowdier du début de l'émission, le Facebook de Critique de Crowd par Pigeon Voyageur et toute autre méthode sont acceptées. Sur ce, on s'en va en musique. Écoutez le palmarès francophone de CISM. Monkey et Sam Fay et D-Track ont d'excellentes chansons. Alors, on va écouter Couronne d'épines et Mon Backpack. Nos histoires, on dit real talk. Real talk, true story, mais real talk. Faut plus de real talk, sinon on finira tous sorry. L'avenir nous est pas du tout promis. Désolé, désolé, désolé. L'avenir m'a toujours été promis. Désolé, désolé, désolé. Ce que toute femme et tout homme mérite, un diamant sur une couronne d'épines. C'est stupéfiant quand les neurones crépitent. Ha, mais le high après 2 secondes s'éclipse. Je dois remonter vite, je dois remonter vite. Yep, avant que tout mon monde s'effrite. Ce que toute femme et tout homme mérite, un diamant sur une couronne d'épines. J'ai deux côtés d'une médaille tranchante. Yin et Yang demeurent en danse. Bien et mal, on leur entend. Ce qui les sépare, les unit sur la tangente. Entre les deux côtés d'une médaille tranchante. Yin et Yang demeurent en danse. Bien et mal, on leur entend. Ce qui les sépare, les unis sont la tangente entre bien et mal, je zigzag en Yin et Yang. En bien et mal, je zigzag en Yin et Yang. En bien et mal, je zigzag en Yin et Yang. En bien et mal, je zigzag. Que le slalom me pardonne, j'ai perdu la ligne droite. Dans nos histoires, on dit real talk. Real talk, true story, mais real talk. Focus de real talk, sinon on finira tous sorry. L'avenir nous est pas du tout promis. Désolé, désolé, désolé. L'avenir m'a toujours été promis. Désolé, désolé, désolé. Vive le présent, mais mon passé me rattrape. Sauf je m'étais passé, je m'adapte. Ici, l'espoir est malade. Face à face avec ma carapace, je reste fort et capable. L'avenir m'a toujours été promis. Désolé, désolé, désolé. L'avenir nous est pas du tout promis. Désolé, désolé, désolé. Désolé de pas être désolé. Gagne ta vie car ta vie te fut dérobée. Désolé, en rang comme des écoliers. Désolé, mais tes données sont erronées. Désolé, je les ai décodées et j'ai opté pour carpe diem, prendre ce qui vient. Désolé, je suis plus désolé, je prends ce qui m'est volé. Je dois décoller car cette époque est désolé, désolé. Dans nos histoires, on dit real talk. Real talk, true story, mais real talk. Faut plus de real talk, sinon on finira tous sorry. L'avenir nous est pas du tout promis. Désolé, désolé, désolé. L'avenir m'a toujours été promis. Désolé, désolé, désolé. Ce que toute femme et tout homme mérite, un diamant sur une couronne d'épines. C'est stupéfiant quand les neurones crépitent. High, mais le high après deux secondes s'éclipse. Je dois remonter vite, je dois remonter vite. Yeah, avant tout mon monde s'effrite. Ce que toute femme et tout homme mérite, un diamant sur une couronne d'épines. J'ai des gants de Jean-Pascal Philippe et de Jeanne d'Arc. J'fais pas de sortie sans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. J'traîne mon ordi dans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. J'ai plein d'amis qui ont un backpack. Un backpack, un backpack. J'traîne ma vie dans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. Dans mon backpack, j'ai mon cartable, mon tam-tam. Des sections secrètes comme la cape de Batman. Un jeu de cartes et les clés de mon appart. Une version DVD de l'Empire contre-attaque. Un ballon de basket, un vinyle sale. Un crabe avec des pinces d'or, cette boule de cristal hein. Dans mon backpack, j'ai Bob l'éponge. J'ai des questions dans mon backpack, j'ai des bonnes réponses. Dans mon backpack, j'ai un sac de pommes. Un Macintosh, puis un pack de drums. Le veston cravate de Bernard de Rome. Une paire de Vidas qui traînait dans mon garde-robe. Dans mon backpack, c'est fascinant. Tu vois le Orc Shack pis c'est captivant. Tu vois un fond de lac pis des achigans. Des vieux CD compacts qui sont captivants. J'fais pas de sortie sans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. J'traîne mon ordi dans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. J'ai plein d'amis qui ont un backpack. Un backpack, un backpack. J'traîne ma vie dans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. Mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack. traîne un bac de funk, de soupe Lipton et de canne de thon. Yeah. Dans mon backpack, j'ai une tonne de son, puis un gros parasol qui me donne de l'ombre. Dans mon backpack, j'ai ma motivation, des mixtapes, des albums et des compilations. Dans mon backpack, j'ai ma détermination, je mets sur mes épaules et je prends une respiration. J'ai des bonnes idées, j'ai un teddy bear qui veut pas me quitter. Y'a tellement de choses que je peux pas le vider, je pourrais froisser mon curriculum vitae. Yeah. Dans mon backpack, man, je traîne au traîneau, le sample Kill Bill puis le gun de Django, la guide de Johnny Cash puis le cash de Tango. Et yo, mon backpack est too hard to handle. J'fais pas de sortie sans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. J'traîne mon ordi dans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. J'ai plein d'amis qui ont un backpack. Un backpack, un backpack. J'traîne ma vie dans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. Mon backpack et couronne d'épines, deux chansons tout à fait excellentes que vous pouvez retrouver sur le site de CISM, CISM893.ca, puisqu'il y a le fameux palmarès francophone de la marge. Et pour les 30 autres positions, ben oui, je vous suggère d'aller au CISM893.ca. Sinon, vous écoutez toujours Critique de Crowd. Et en début d'émission, ben oui, je te l'ai dit, j'ai vu beaucoup de shows, fait que j'ai l'impression que ça fait beaucoup de temps dans ma tête, mais ça valait beaucoup la peine d'attendre et qu'il... Oui, que je porte bien le souvenir du spectacle de Safia Nolin, 17 juin dernier au théâtre Maisonneuve. Je dis bien porter le souvenir parce que, ouais, on la porte dans notre cœur depuis longtemps, Safia, particulièrement à CISM. Premier single qu'elle a, c'est Igloo, ouais. Puis ça date de 2013 dans notre fameux gestionnaire musical à la station. Fait que quand même, 2013, ça fait un petit bout. Et j'étais moi-même étonnée de toujours pas l'avoir vue en spectacle parce que dans les faits, je l'ai vu en 2015 dans un showcase, ce qui est vraiment pas la meilleure, je sais pas, c'est pas, moi en tout cas je trouve pas que c'est la meilleure façon de découvrir un artiste. On dirait que j'ai la misère à le dire parce que techniquement c'est fait pour ça, c'est dans le cadre de M pour Montréal, puis oui, c'est surtout fait pour les gens de l'industrie musicale pour avoir un aperçu de l'artiste, comme comment il est sur scène, ses chansons. Ouais, mais l'ambiance, oulala, ça fait mal, c'est comme en début d'après-midi là, le monde sont pas tant prêts 5 à 7 là. Il y a trop de bonheur dans la journée pour boire, mais aussi pour l'ambiance. Les gens sont sérieux, sont plus ou moins au travail. Fait que, ouais, c'est pour Critique de Crowd, c'est difficile. Mais en même temps, il y a des gens qui s'étaient déplacés, c'était gratuit. Alors oui, allez voir Safia Nolin pour rien du tout. Il y a eu des gens qui se sont déplacés pour l'occasion et ça donnait aussi. Ouais, je remets le mot aperçu parce que c'est tellement pas à la hauteur de tout ce que tu peux donner en tant qu'artiste. Mais on le voyait, sa façon d'être scénique. Et la façon qu'elle se donnait sur scène déjà. Mais le fait que, oui, remplir le théâtre Maisonneuve, ce n'est pas rien. C'est 1453 sièges à pareil. Et oui, je me suis dit, c'est une occasion à pas manquer. Ça a l'air d'être... Ben, c'est, aussi, elle va le répéter durant le spectacle, mais effectivement, c'est un moment important pour elle, puis j'ai l'impression que la foule l'a aussi vécu comme ça, comme « c'est gros le théâtre Maisonneuve! » Il y avait cette espèce de d'emballement pour elle et les gens qui sont heureux pour elle et qui sont aussi heureux d'être là et d'assister à un gros moment. C'est particulier quand même comme ambiance. Je vais arriver un petit peu en retard à notre cher théâtre Maisonneuve parce que, ok, c'est vraiment niaiseux, là, mais il faisait vraiment chaud là, puis humide dehors ce jour-là et j'ai hésité. J'ai hésité ce jour-là de retourner chez nous prendre une douche parce que je me sentais trop dégueulasse. J'étais comme, oh, on va être assis avec l'air climatisé, hein, le petit velours rouge sur les divans, puis partout dans la salle. Je me disais, je vais coller sur le velours rouge, ça va être pas bon, là, arc. Et en même temps, avoir pas de look, je trouve que c'est quand même plus de circonstances au Théâtre Maisonneuve pour aller voir Safia Nolin que de m'être bien grillée pour l'occasion. Alors j'étais comme, go, Jolene, avec ton gilet troué, pas bien arrangé. Non, mais il était troué parce que je l'avais mal découpé, là. J'ai découpé tout croche les manches, là, en tout cas. Fait que bref, pas de look pour mieux profiter de Safia Nolin en spectacle. Oui, ce sera le cas. Et c'est vraiment un lien hyper pourri, mais je vous mets la chanson Sainte-Catherine de Bonjour Brumaire pour la simple et unique raison que le théâtre Maisonneuve, ben c'est sur la rue Sainte-Catherine, plus particulièrement Sainte-Catherine-Ouest. Mmh. C'est ce qui nous a fait trembler, à plonger nos corps en jachère, comme d'anciens amants séparés par une éternelle nuit d'hiver. C'est ce qui nous aura fait dire non, non, je n'ai jamais voulu ça, mais nous a pourtant vu vieillir en faisant de nous des absents. Ce sont les détails qu'on ne cache plus, des vitrines en guise de miroir, piquées par un nouveau salut qui sonne comme un au revoir. Sainte-Catherine du Feu Groupe, bonjour Brumaire. Et pour les fines oreilles, ben oui, je vous ai mis la version démo de Sainte-Catherine, fou de même sur les ondes de la marge, avec Critique de Crowd. Et j'arrive, ben oui, j'arrive au théâtre de Maisonneuve pour aller voir Safia Nolin en spectacle. Mais en première partie, il y avait Blondino. Et j'ai bien failli pas la voir parce que, ben, il y a quand même un certain décorum, là. On est au théâtre Maisonneuve. Et la placière, qui ben aussi s'occupe des entrées et des sorties, elle était pas tant partante que je rentre parce qu'elle m'a prétendu, là, parce que c'est quand même plus long, là, mais elle me dit, ah, il reste juste un quart d'heure. Mais avec le numéro de mon siège, ben joie et chance, parce que j'étais sur le bord de la rangée, fait que c'est quand même plus acceptable que de dire, ah, T'imagines-tu déranger tout le monde au centre? Attention, désolé, excusez-moi, le poignet et genou de tout le monde. Non, ça ne s'est pas passé, alors je crois que ça m'a permis de rentrer dans la salle sans que ça soit trop compliqué. Blondino, groupe français. J'avoue que même durant le spectacle, j'étais mélangée. C'est un duo composé de Jean-Christophe et Tiffaine, mais j'avais l'impression que c'était juste la fille. Et des fois, elle disait Blondino, puis je pensais que c'était son petit nom à elle. Petite confusion parce que, oui, elle est très mise à l'avant-plan, cette jolie Tiffaine qui, oui, chante bien délicatement, bien doucement. Remercie beaucoup Safia aussi. C'est fou. Déjà en rentrant, l'amour porté pour Safia était immense et déjà porté par la première partie. Elle nous a conté que Safia y a fait faire le tour de la ville et qu'elle avait été bien sympathique. Personnellement, en tant que public, ben, la première chose que je remarque, c'est qu'il fait noir comme chez le loup. Fait que, ouais, critique de crowd, elle faisait, yeah, boy, on verra pas grand chose. Fait que, on pourrait pas faire des grandes critiques, là. Déjà, le monde est assis. Mais mon premier constat a été olfactif. Ouais, c'était une première partie différente. Mm-hmm. Parce que ça, oui, c'était agréablement le fun pour mon nez parce que ça sentait le menthol. Moi, j'aime ça. OK, clairement, il y avait juste quelqu'un qui mangeait une pastille, là. C'était pas un show en odorama, là. Quoique, c'est ça. Moi, j'aime ça quand il y a les odeurs qui sortent de nulle part dans la crowd. C'est tout le temps dans les show punk rock, où genre le monde sue pis qu'il y a un pit, qu'il y a une fille qui a mis un parfum à vanille pis là ça embaume toute la pièce pis je suis comme, ah, c'est bien rafraîchissant ça, la vanille. Mais là, j'aime ça, Blondino, là, dans ma tête, ça sent le menthol tout le temps, là, c'était carré. C'est carré. Mais c'est surtout parce que c'est complètement accidentel, là. Si j'avais été à côté d'une autre voisine ou d'un autre voisin, je pourrais pas dire que Blondino sent le menthol pis ça c'est moins le fun. Autrement, ben oui, je vais utiliser mes autres sens pour pouvoir apprécier la crowd qui est calleuse de bravo. Oh oui, il y a en tout cas une personne, là, parce que je peux pas dire que c'était pas toujours la même, étant donné que non, je voyais rien, mais c'est une habitude que pas tout le monde a, et souvent au théâtre, tu sais, à la fin du spectacle, bravo! Bravo, j'applaudis, je dis bravo en même temps, bravo, bravo! Et là, c'était durant le show, puis beaucoup de collages de bravo. Ah ouais, c'est spécial. On dirait que ça détonnait un peu. On savait pas trop comment le prendre, le reste de la foule. Puis en même temps, la personne, elle a beaucoup de volonté, là. Ça se voit qu'elle aime ça. Elle a besoin de dire bravo. Bravo. Ouais. On reviendra sur les gens qui font des calls durant le spectacle. Sinon, ben, quand je vous dis que j'étais chanceuse de rentrer dans la salle, ça a été un petit peu moins le cas pour d'autres qui étaient plutôt confinés sur le bord des rangées. Il y avait une couple de bums qui étaient assis, ouais, sur, ben, tu sais, on peut pas t'en dire les escaliers, mais juste sur les marches, sur le bord de la porte, un peu évachés, un peu en attente. C'est pour ça que je dis bums. Il y avait un petit côté, genre, soit, ouh, t'es rebelle au théâtre Maisonneuve, t'es parti tôt, siège, tu peux pas y retourner. Mais reste que ça fait quand même plus décontracté comme attitude que, justement, un théâtre Maisonneuve, ça accueille les grands ballets canadiens. Je vois pas trop une belle madame dans sa belle robe. Ah! Ça se voit, ça y marche! À moins qu'elle a vraiment mal avec ses talons hauts. C'est une autre histoire. Alors, sur ce, mais Blondino, j'en parle. On va en écouter. Jamais sans la nuit, c'est la chanson que je préfère le plus de l'album. Et c'est aussi le nom de l'album. Mon désir est un peuple sans nom. Mon désir, une foule de fiction. Toute une nation. Blondino sur les ondes de CISM. Et qui dit première partie, dit entr'acte, entr'acte, entr'acte selfie. Ben oui, la lumière fut dans la salle et la lumière fut sur les téléphones des gens qui voulaient immortaliser l'entr'acte. Non, immortaliser la soirée quand même. Mais oui, grâce à l'éclairage, ça m'a bien permis. Ce qui est difficile, c'est que oui, il y a plusieurs balcons. Je suis au parterre, c'est immense. Fait que je peux pas faire une critique de crowd si large, là. Je suis un peu... peut-être que je suis pas promenée, là. Je suis pas aventureuse, là. C'est qui non plus qui fait le tour, genre, du théâtre Maisonneuve, là? Oh, je prends une petite marche. Fait que non, c'est plutôt la crowd à mes alentours, là, que je pourrais critiquer, mais qui me semblait assez représentative, là, du restant de la foule, qui est majoritairement constituée de femmes, de filles. Oh oui, la joute féminine est fort présente. Non, pas qu'il y a pas beaucoup de gars, mais ça se voit, ça s'entend. Et d'âge varié. Le public de Safia Nolin j'allais dire comme Tintin, là, tu sais, comme de 7 à 77 ans, là. Mais il y a quelque chose, peut-être de familial. Sortie de fille, sortie d'amis, sortie de sœur, sortie avec toutes les femmes de ton entourage. Il y avait toutes les compositions possibles ce soir-là. Pendant que, il y avait les filles qui ramenaient des coupes de mousseux. Ils ramenaient des coupes dans la salle! Là, peut-être que vous capotez pas autant que moi, mais il me semble que c'est le genre de salle où t'as pas le droit de boire à l'intérieur de la salle. C'est pour ça que le bar est à l'extérieur, qu'il y a des petits divans pour s'asseoir. Mais non, cette fois-ci, c'était permis. Il était interdit de prendre des photos, mais il était permis de boire. Ça doit être le moment où je me dis que dans le fond, je dois être un peu straight comme en dedans de moi. Je me dis, oh mon Dieu, ça se fait tellement pas boire à l'intérieur d'une salle. Oh mon Dieu, je palpite. Oh, donc pourquoi? Pourquoi que se passe-t-il? Non, je n'ai pas bu de drink dans la salle, justement, parce que ça me faisait un certain effet. Et de plus en plus de lieux aussi le permettent. La Bibliothèque nationale, ils ont ouvert un café au premier étage. Au début, je capotais. Je dis, oh mon Dieu, boire à l'intérieur de la Bibliothèque nationale. Moi, ça me prend pas grand-chose pour tilter aussi. Oui, je concède. Mais reste que peut-être ça me fait une impression de cinéma. Tu sais, le Théâtre Saint-Denis aussi, il accepte des consommations, soit à l'intérieur. La vérité, c'est que j'ai déjà été placière dans la vie. Fait je suis comme remplie de compassion. Je suis comme, oh mon Dieu, le ménage qu'ils vont avoir à faire. Oui, les gens sont polis, ils les ramènent. Même des gars est si vite arrivé. Et en même temps, un verre est si vite oublié. Et je l'ai dit, le nombre de sièges qu'il y en avait, hein? 1000 kecs! Et là là. Fait que... Non, je suis pas restée jusqu'à la fin pour voir le ménage, là, quand même. Mais reste que, oui, ça doit être pour ces raisons-là que je faisais peut-être un petit peu de transposition sur le travail des pauvres, mais bien gentils, placiers, si vaillants protecteurs de la salle. Et sinon, c'est drôle, en début d'émission, tu sais, je vous ai parlé des liens si minces qu'on a entre les gens, de venir de inconnu à on se connaît, tu sais, moindrement, mais on pourrait dire qu'on se connaît, connaissance, amis, et ainsi de suite, les relations humaines. Mais ouais, j'étais allée là toute seule, et à une couple de sièges de moi, il y avait une autre fille, toute seule, et je me demandais ce qui me retenait de pas y dire bonjour. Elle qui tenait, justement, tu sais, elle avait pas de gobelet, on n'est pas au cinéma, là, fait qu'elle était obligée, elle a tenu son verre tout le long, même s'il était vide. La preuve comme quoi la salle n'est pas préparée pour accepter les verres à l'intérieur. Reste que c'est ça, tu sais, son petit verre vide, puis elle était là, elle avait fini de le boire, puis le show allait bientôt commencer. Elle me dit, mais pourquoi? Jolène, t'es sociable, pourquoi tu y jases pas? Puis en même temps, je me disais, déjà qu'on est drôle, dans les spectacles, souvent vendus en paire, sièges assis, on est tout le temps le mystère de notre rangée, puis... Oh mon Dieu, une fois, ça m'est même arrivé, là. Tu sais, quand je suis partie aux toilettes, les gens, ils avaient demandé, ouais, tu es à vous, est à nous, est à qui? Tu sais, genre, fallait que j'appartienne à quelqu'un dans la salle, tu sais. Je peux pas y être allée toute seule. Je me disais, c'est correct aussi, tu sais, de vivre notre solitude dans la crowd. Ouais. Quand je dis forcer, tu sais, quand ça ferait un peu fauner d'aller jaser au monde juste pour jaser, juste pour passer le temps. Il y a ça aussi dans l'aspect relationnel, la crowd. Fait qu'on a été deux tout seuls, bien assumés. D'être toute seule. Et sur ce, ben pour toi, fille qui tenait ton drink, tiens ton drink lors de la readjust. OK. Ok, les moyens sont crush, but we get straight to it. Jeune décrocheur, I was a straight A student. Moving on, l'eau a coulé sous les ponts. Là, j'suis payé juste pour mettre les pieds devant une foule de monde. Come on. It's all about performance. Je l'ai appris du meilleur Charles Rough Sound. Montréal où la magie prend forme. Bad girls wanna have fun where I'm from. Oh, don't talk to me, shut up. Faisons juste get hot and fall for each other, girl. Parait que Dieu travaille de façon mystérieuse. Je pourrais m'endormir pour faire des hit records. Mes excuses, on a déjoué vos plans. T'essayais make it rain, j'faisais neiger les crabes. Fact, like in any damn thing. We run this town, sweat and champagne, Friday night fever, baby just beat it. Sweat box, damn, on peut plus respirer. About to get ratchet in this, you know what? Spill the champagne sur mes nouvelles bottes. So tiens mon drink J'veux pas saler mon linge, baby, tiens mon drink. Tiens mon drink, tiens mon drink. J'veux pas saler mon linge, baby, tiens mon drink. Ok. You can't put a price on a reality check. So why the hell to with the thoughts back pour Québec? And I ain't no courtesan, I miss the evil for the corner. Send the latex to your girl, lâche le rap, fait des enfants. Ok, stack it up pendant 50, puis c'est money gang. Montréal à Monaco, baby, money gas. 100 racks stacked sur le rayon. I can pillow talk money with you, shorty. Tout va très bien, ok. Body moving, lot of girls. Elle est là, elle est sur la manicure. Wrists on freeze, drinks on me. Spoiled brat, qu'est-ce qu'on dit? Ça commence depuis sa fitty pass. Eat three pills, on pill dans le Chevy Tahoe. I do it for the money, money does it for me. Et si jeune fille trouve le bonheur dans la folie. Friday night fever, baby just beat it. Sweat box, damn, on peut plus respirer. About to get ratchet in this, you know what? Spill the champagne sur mes nouvelles bottes. So tiens mon drink J'veux pas saler mon linge, baby, tiens mon drink. Tiens mon drink, tiens mon drink. J'veux pas saler mon linge, baby, tiens mon drink. Tiens mon drink, qui se retrouve sur leur album Blue Volvo. Ben oui, vous avez entendu, chers auditeurs de CISM, Lord Larry Adjust. Et, enfin, finalement, arrive Safia Nolin sur scène, bien attendu par les spectateurs. Non que l'entracte était long du tout, mais plutôt, je vais le répéter, je me répète beaucoup, mais là, je tiens à te le souligner, là, peut-être que, même je n'utiliserai pas assez le terme vu que je mets beaucoup l'accent dessus, mais amour. C'est une foule d'amour, mais complètement, ils sont débordants d'amour, les fans, les spectateurs. Mais non, oui, je dis fans parce que tu le vois que c'est pas juste j'aime bien écouter de temps en temps son album. Non, il aime Safia Nolin, ceux qui étaient dans la salle du théâtre. Je vais y aller par étapes, comme ça vous allez bien voir tout l'amour. Déjà, Safia, elle arrive pas en faisant les grands tatas, puis tu sais, c'est pas, y a pas d'entrée très spectaculaire, c'est assez sobre. Elle joue après quelques chansons, elle est au centre. Oui, l'éclairage sobre aussi. Beaucoup de noirceur, on met beaucoup l'accent sur le centre avec ces musiciens-là et toute seule, si je me trompe pas. Et oui, ça va prendre quand même un certain temps avant qu'elle s'adresse à la foule. Et quand je dis amour, hein, l'amour, ça passe à travers divers comportements, incluant le rire. Ah, mais oui, tu sais, c'est... Ah! Oui, on peut rire de quelqu'un, mais d'habitude, quand on rit, ben c'est de la joie. Et oui, quand on aime quelqu'un, ben on rit beaucoup. Et c'est fou comment il y avait le sentiment. Je vous ai dit que la foule, il y avait quelque chose d'un peu familial, mais il y avait aussi cette familiarité-là avec le public et Safia. Ils la connaissent, ils la comprennent. Et ils vont rire de tout ce qu'elle dit, là. Mais tout. Même, tu sais, en tant que telle, c'est pas un show d'humour, là. Fait que déjà, en plus, c'est ça qui est quand même particulier et qui fait que c'est extrêmement beau, c'est que ses chansons sont très mélancoliques. Mais non, ce n'est pas dans la foule. Les gens sont très attentifs. Déjà, en plus, je vous l'ai dit, les téléphones et les photos étaient interdites. Fait que il y avait aucun flash. L'obscurité dans la foule faisait qu'il y avait une belle quiétude, là, pour pouvoir écouter attentivement les chansons. Mais entre les chansons, c'est pas que c'est wouhou le party, le 0-0, mais la familiarité qu'il y a dans je sais pas comment dire, mais dans son langage, parce que oui, tu le vois qu'elle est pas à l'aise sur scène, mais elle dit elle-même, oui, t'sais, on dirait qu'à autant assumer et être aussi ouverte sur sa façon d'être, elle va dire à la fin du spectacle, moi je veux pas faire des rappels, je suis pas à l'aise, puis personne va en demander, puis tout le monde est compréhensif avec ça. C'est ce que je veux dire par familiarité, par oui, par écoute, ce qui fait en sorte que oui, tout ce qu'elle dit, les gens rient. Puis je trouve que c'est un rire comme quand tu ris à un party de famille. Tu sais, c'est pas bah oui, on a des mononcles qui font des jokes de mononcles peut-être là, mais je sais pas, ça a pas besoin d'être des grandes phrases, ça a pas besoin d'être compliqué. Mais oui, il y a toujours ce petit ton cocasse dans les anecdotes ou dans les phrases qu'elle peut compter. Là, une que j'ai en tête, c'est parce qu'elle parlait de la marque Yamaha. Elle pensait que c'était la même pour les voitures Yamaha. Non, les 4 roues. Hey boy, moi aussi je rush. Mais bref, c'est pas la même marque que pour les instruments de musique. Fait qu'elle arrêtait pas de le répéter en spectacle. Après ça, elle était gênée de réaliser que c'est deux marques différentes. Et là, on rit avec complicité avec elle. Parce que oui, c'est sûr que là, il y a l'aspect humoristique. Ben ouais, tu sais, revirement de situation. Surtout qu'elle nous reparle encore juste pour se déculpabiliser. Et elle dit elle-même que c'est pour cette raison-là. Fait que oui, c'est un bel aspect de complicité. Et c'est d'autant plus complice parce qu'elle a vraiment un complice sur scène qui est son guitariste Joseph. Et oui, je dis plus souvent le mot humour qu'amour, mais c'est si proche, humour, amour. Mais le duo comique que font les deux fait vraiment la différence, parce que il y a une plus grande simplicité à être léger, à être drôle, à rebondir sur la phrase de l'autre quand on est deux, quand on s'adresse tout simplement au public qui est techniquement muet là, tu sais, je te dis pas que le public répond pas cette fois-ci, pas vraiment en tant que tel à ses paroles, mais ça va faire la différence. Et ils sont tellement vraiment, je pense que c'est un des trucs à voir en spectacle pour Safia Nolin, c'est leur dynamisme, parce que c'est pas imitable, c'est improvisé, c'est toujours un peu décalé, c'est toujours drôle. Des fois ils se bitchent, puis après ça ils se disent qu'ils s'aiment. Complicité, amour, tout à fait ça, c'est juste de ça. Et ça donne aussi l'aspect un peu les dessous du spectacle, parce que tu sais, ils sont un peu informels. Eux-mêmes, Safia est bien impressionnée. Elle dit, tu sais, c'est drôle, tellement haute maison neuve, puis je capote. Puis nous autres, si on capote avec elle. Je vous ai parlé d'interaction avec la foule. Et ouais, il y a eu encore le callu de bravo. Il y a quelqu'un qui est allé donner quelque chose sur scène. C'était pas super clair. Je sais pas ce qu'elle y a donné. Et sûrement même, ouais, un peu par malaise, là, elle l'a comme pas récupéré. Elle n'en a pas non plus parlé, mais la fois qu'il y a eu vraiment une espèce d'interaction avec la foule, c'est oui, il y avait une madame qui avait l'air de caler des « c'est bien merveilleux comme soirée, c'est excellent, je capote! » Fait que, ouais, non, elle faisait pas juste caler des bravos, elle. Puis, Safia, il a dit « Madame, longue vie à vous! » Parce que, tu voyais, il y avait comme une difficulté entre « qu'est-ce que j'y réponds, puis qu'est-ce que je fais? » Puis, en même temps, elle trouvait ça beau, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un te donne tout plein d'amour, mais en même temps, elle... Tu peux pas lui dire arrête, puis en même temps tu peux pas dire continue, merci beaucoup. Fait que ouais, on dirait le gestion de foule qui en même temps il y a pas de solution à ça, tu sais. Qu'est-ce que tu réponds à une madame qui est comme j'ai passé une soirée excellente, félicitations, pas grand-chose. Hey, boum! Boum! Je pensais pas qu'il était aussi populaire que ça. Boum! Desjardins. Ben oui, tout le monde s'est levé. Tout le monde était debout. Pour lui, déjà avec ses reprises, volume 1, on voit l'amour, tu sais, 102e degré pour la culture populaire. Et Calvaire est la première chanson, mais aussi la foule. Tu sais, c'était pas au 2e degré de « Ah oh ouais, la chicane! » Mais non, genre, il était vraiment heureux de le voir. Puis ça m'a rappelé des souvenirs. Ben oui, boum! Boum, Calvaire, c'était bien plus proche de ma vie que ça. Fait qu'on va aller l'écouter, puis je t'en jase. Encore une autre nuit à mal, me chercher quelque chose à faire. Ça me prend pas moins pour me rappeler qu'hier au soir je me suis saoulée. cet après-midi quand je me suis levée, assis devant ma machine à café, en train de me réveiller le passé. J'ai dit que j'ai vu que t'étais pressée. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment d'Alsace. C'est comme la rage dans une cage. Quand c'est mouillé, je me dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Parti sans me faire engueuler. Je sais que tu me l'avais dit, je veux t'aider. Ça fait 100 fois je te l'ai promis. Est-ce que tu me regardes et puis tu ris. Je suis pas ton exemple de confiance, mais j'ai le droit de prendre ma chance. Rendu au bout si je suis perdu, je pourrais dire que tu m'aimes plus. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du sentiment d'Alsace. C'est comme la rage dans une cage. Artimoué, je me dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Je ne sais pas quelle version vous préférez, chers auditeurs de CISM, mais elle est assez, oui, épurée et presque méconnaissable. Calvaire, cette fois-ci de Safia Nolin, et non de la chicane, Sacré Boom, qui a eu vraiment, je vous dis, là, le monde applaudissait comme des malades. Il était vraiment content de le voir. Ça m'a fait un drôle d'effet parce que dans ma tête, j'avoue, je suis pas la carrière de Boom, fait que je sais pas, il est rendu où, qu'est-ce qu'il fait de bon, comment va la vie, est-il encore en calvaire? Mais, ça m'a rappelé une anecdote un peu... Quand on est enfant, hein, on fait des drôles d'affaires des fois. Et moi, la spontanéité, c'est pas comme... Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Là, c'est pas un truc que j'ai acquis. Avec cette anecdote-là, je m'en suis rappelée pas à peu près. C'était à l'Halloween. Et la chanson de la chicane est sortie en 98. Je fais le merveilleux calcul que je dois avoir 8 ans. On est l'Halloween à l'école primaire Saint-Pie-10. Trois-Rivières. Et pour tous ceux qui auront été à cette école-là, dans la même période que moi, ou plus ou moins, il a quand même fait ta carrière là-bas comme professeur d'éducation physique. Monsieur René! Oh, Monsieur René, tout le monde l'aimait. Oh, Monsieur René, il était-tu fin, il était-tu drôle? Ah, aïe, aïe, aïe, il me faisait bouger, c'était le fun. On jouait à tag, c'était malade. Et je sais pas pourquoi, c'est pas tant un spectacle pour l'Halloween, mais il fait monter comme toute l'école primaire et dans la salle, qui est plutôt le gymnase. Et ça fait beaucoup de gens. C'est toute une crowd, de la mini-crowd, mais de la crowd quand même. Et on monte chaque année, une après l'autre, pour montrer nos costumes. Je pense qu'on les décrit, là. C'est rigolo. Et je sais pas de où c'est que ça y prend l'idée. Oh oui, c'est vrai, Monsieur René donnait aussi les cours de danse créative et de théâtre. Ouais, c'est l'homme à tout faire. De l'école, ou du moins c'est le propriétaire du gymnase, fait que toutes les activités qui ont lieu là-bas, ben c'est là que ça se passe, c'est lui qui gère. Et là, justement, il nous dit « Hey, quelqu'un veut chanter une chanson. » Quelqu'un veut chanter une chanson. Là, tous les enfants se regardent, puis à chaque année, tu sais, les petits-enfants, il y en a un qui chante une chanson, une comptine, machin. Et rendu à mon tour, je dois être... je crois que c'est le micro en tant que tel. Je l'aime bien à la radio, mais en personne, sur scène, oui, il est venu me chercher. Fait que j'ai levé la main, j'étais « Moi! Moi! » Et j'ai décidé de chanter, et oui, la chicane, j'ai chanté Calvaire à 8 ans devant toute l'école primaire et Monsieur René qui capote. Parce que j'avoue qu'à cet âge-là, je réalise pas pantoute que le mot calvaire, ça peut être un sacre. Parce que oui, c'est la représentation de la crucification du Christ ou de façon figurée une suite d'épreuves douloureuses. Moi, je trouve que j'associe calvaire plus à cette définition-là que même le blasphème québécois. Fait que là, il est comme, oh mon Dieu, il y a un enfant qui sacre devant d'autres enfants. Fait qu'il est comme, wow, wow, wow, Jolene, wow, wow, wow. Il a dit, OK, tu vas pouvoir reprendre ta chanson. Déjà, je connais juste un refrain, là. C'est un peu pitoyable. Et finalement, il me dit, vas-y, mais je vais faire des bips au bon moment. Fait que j'ai rechanté au complet le refrain de Calvaire, bien ponctué de bip-bip aux endroits stratégiques. Ça a été un moment, je crois, très malaisant pour les autres enfants de la classe qui comprenaient zéro ce qui se passait. Et moi, juste fière de pouvoir chanter au micro. Ah ouais, la spontanéité, ça nous fait faire des affaires. Et ça me fait aussi penser que la musique, quand même, juste la toune des colocs qui dit « J'ai de l'héros dans le sable, de la coke dans les yeux ». Il y a combien d'enfants comme du monde de ma génération qui pensaient qu'il y avait de la liqueur brune dans la pupille? Ouais, on catche pas les mêmes affaires à cet âge-là, mais ça donne des anecdotes assez particuliers. Merci beaucoup, Safia, de réanimer ces anecdotes-là dans ma tête grâce à tes reprises. Et pour tous ces petits-enfants, ben oui, petits-enfants des Connies, on va l'écouter et je vous laisse parce que c'est la fin de l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour toute suggestion, amour. Ben, il y a les internets et je vous dis, ben oui, bye-bye. À la place Belle de Laval le samedi 2 décembre. Bien en vente.